Bonjour à tous. Confiné pendant quelques heures samedi suite au passage de l'ouragan Tammy. La Guadeloupe a subi de nouvelles intempéries hier. De fortes pluies se sont abattues sur l'archipel, gonflant des rivières qui sont sorties de leur lit et provoquant localement des inondations. Dressé un bilan des dommages, le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, est en Guadeloupe ce lundi. Un déplacement prévu jusqu'à mercredi. Des dizaines de Palestiniens, dont des enfants, ont été tués dans la bande de Gaza hier dans des raids intenses israéliens contre ce territoire assiégé où de nouvelles aides ont été acheminées au 16e jour d'une guerre déclenchée par une attaque meurtrière du Hamas. Face au risque d'un embrasement régional, le président américain Joe Biden a discuté au téléphone avec les dirigeants du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni, ainsi qu'avec le président français Emmanuel Macron, attendu demain en Israël. Alors qu'Israël semble se préparer à une offensive terrestre contre la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, l'Iran, allié du mouvement palestinien et du Hezbollah libanais, a averti les USA et Israël que la situation pourrait devenir incontrôlable. L'ONU et la situation en Haïti, une réunion du Conseil de sécurité se tient aujourd'hui aux États-Unis sur la situation en Haïti. Le pays souffre d'une situation politique et économique instable, en proie notamment à la violence des gangs. L'ONU a récemment renouvelé un régime de sanctions et d'embargo sur les armes légères en Haïti. L'Olympique lyonnais au fond du gouffre, opposé au Clermont Foot dans un match de la peur entre le 18e et le 17e de Ligue 1, les Lyonnais ont vécu un nouveau cauchemar au Groupama Stadium, devant un public bien décidé à soutenir son équipe sans instaurer d'ambiance pesante sur le groupe. Cela n'a pas suffi à retrouver un Noël conquérant et surtout vainqueur, car c'est bien le Clermont Foot qui enregistre son premier succès de la saison après 9 journées. Désormais, seul l'OL, nouvelle lanterne rouge du championnat, est encore en quête de cet objectif tout simplement déconcertant pour les Lyonnais. Flotteur FM 91. Pour vous et avec vous. Flotteur FM pour vous, avec vous, en direct sur 91. Je préfère quand c'est secret. La vanille est coupée. Quand la vie est amère. J'ai le goût du citron là dans la gorge. Yeah. La région vous fait voir du pays. Elle accompagne les apprentis, lycéens, étudiants, jeunes diplômés et demandeurs d'emploi dans leurs projets de mobilité internationale. Comme 2200 jeunes l'an passé, profitez des bourses dédiées pour améliorer votre niveau en langue, découvrir d'autres cultures, vous former dans une entreprise à l'étranger. Renseignez-vous sur www.bourgogne-franche-comté.fr. Région Bourgogne-Franche-Comté. Ma région, avancée, partagée. Et aujourd'hui, pourquoi dit-on mettre la clé sous la porte ? Quand une entreprise fait faillite et doit fermer, on dit parfois qu'elle met la clé sous la porte. L'expression s'emploie d'ailleurs plus souvent à propos d'un magasin. Cette formule, qui semble apparaître vers le milieu du XVIIIe siècle, désigne à l'origine le comportement d'un locataire qui, ne pouvant plus payer son loyer, fait ses bagages et s'enfuit discrètement sans oublier de glisser la clé sous la porte avant de partir pour que le propriétaire la récupère. On trouve même à cette époque une variante aujourd'hui disparue, mettre la clé sous la chatière. De là, l'expression a pris le sens de s'enfuir sans payer ses dettes pour évoluer au cours du 19e siècle vers l'idée de faire faillite. On trouve une bonne illustration de ce glissement de sens chez l'écrivain Georges Darien qui, dans son roman Biribi, écrit en 1890, ils finissent généralement par la faillite si c'est faire faillite que de mettre un beau soir la clé sous la porte et de cingler pendant la nuit vers de nouveaux rivages. De nos jours, l'évolution est achevée et mettre la clé sous la porte a bien le sens de cesser une activité commerciale pour cause de faillite. Entrée dans le grenier de Willy, bienvenue en 1984. Né de l'imagination de deux Canadiens, Chris Sané et Scott Abbott, le célèbre jeu Trivial Poursuite, jeu phénomène sorti en France en 1981 sous le nom de Remue-Ménage, mais n'a pas eu le moindre succès. Trois ans plus tard, la tendance s'est nettement inversée. C'est l'arrivée du Trivial Poursuite. Et dans la playlist de 1984, on écoute Ray Parker Jr. dans Ghostbusters. Cette chanson sera utilisée comme thème principal pour le thème SOS Fantôme sorti en 1984. Le titre est sorti le 11 août 84 et durant 3 semaines, en tête du classement des meilleures ventes de singles aux États-Unis, voici Ray Parker Jr. avec Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Ghostbusters! Ow! afraid of no ghosts. She just wants more. I think you better call Ghostbusters. Ow! Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't feel you. Who you gonna call? Flutter FM. Flutter FM. Flutter FM. 91. Flutter FM. Flutter FM. Pour vous, pour vous. Avec vous. Avec vous. Avec vous. Avec vous. I'm gonna marry the night. I won't give up on my life. I'm a warrior queen. Live passionately tonight. I'm gonna marry the dark. Gonna make love. A soldier to my own emptiness, I'm a winner. I'm gonna marry the night. I'm gonna marry the night. I'm gonna marry the night. I'm gonna marry the night. I'm not gonna cry anymore. I'm gonna marry the night. Leave nothing. I'm gonna lace up my boots, throw on some leather and cruise down the street that I love, and my fishnet gloves, I'm a sinner. Then I'll go down to the bar, but I won't cry anymore. I'll hold my whiskey up high, kiss the bartender twice, I'm a loser. FM. Flotteur FM. La musique est de retour juste après la pub. Faites baisser votre facture d'électricité. Contactez l'entreprise Christophe Merlin à Clamecy pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour de l'autoconsommation et revente à EDF. Faites confiance à votre entreprise locale avec son expérience de plus de 10 ans, agréée RGE Quali PV. L'entreprise Christophe Merlin, plombier chauffagiste, assure le projet de A à Z, l'installation, le SAV et l'entretien. Les dossiers administratifs sont suivis par son bureau d'études. Devis gratuit. N'hésitez pas à vous renseigner. Venez dans ses nouveaux locaux, zone commerciale avenue Saint-Exupéry à Clamecy. Le téléphone 03 86 81 71 25. 06 49 47 97 60 URL merlinchristophe@orange.fr. Avec l'entreprise Christophe Merlin, votre photovoltaïque pour une énergie économique. Flotteur FM 91 pour vous et avec vous. I'm so with me. Since we've been together, loving you forever is what I need. Yeah. Oh, let me be the one you come running to, 'cause I Flutter FM sur 91. Flutter FM 91 en direct de Clamcy, pour vous, avec vous. Flotteur FM. Flotteur FM 91. Flotteur FM, pour vous, avec vous. I told some lies and made you cry. Broke your heart. What a foolish guy. Played with your head, cheated in bed, and though you knew

La radio locale numéro 1, Flotteur FM, 91. Pour vous, avec vous. Pour vous, avec vous. How long will I love you? Long as stars above you. And longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to, and longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you. Écoutez, c'est Flotteur FM. En plein cœur de la Bourgogne, Flotteur FM 91. See. Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Écoutez, c'est Flotteur FM 91. Shoulder with an aching deep in my heart. Flotteur FM. I've been like a maniac, insomniac. 5 steps behind ya. Tell them other girls they can hit the exit check, please. Cause I finally found a girl of my dreams. It's much more than a Grammy award. That's how much you mean to me. You could be my it girl. Baby, you're the shit girl. Loving you could be a crime. Crazy how we big girl. This is it girl, give me 25 life. I just wanna rock all night. You in the middle of my spotlight. You could be my it girl. You're my biggest hit girl. Let me play it loud. Let me play it loud, like. Let me play it loud. Let me play it loud, like. Let me play it loud. You can't help but turn them heads, not getting dead. Dropping like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to tell them other guys they could lose your number, you're done. They don't get another shot cause you're love drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you on. You could be my it girl. Baby, you're the shit girl. Loving you could be a crime. Crazy how we big girl. This is it girl, give me 25 to life. Hey, I just wanna ride. All night long. And put you in the middle Sur Flutter FM avec Gédimat, Cavia Matériaux au cœur de l'ouvrage à Clamcy. It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. And no refuting, no disputing, I'm a modern rescue. Of contract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in. Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction. Party like a rational. Alve like an oligarch. I got Stalin and Bali and Molly, so I'm jolly. And I'm always off my trolley, so I never say sorry. There's a dollar side, a dollar side, a dollar side, a dollar. I put a bank inside a car, inside a plane, inside a boat. It takes half the Western world just to keep my ship afloat. And I never ever smile unless there's something to promote. I just won't emote. Party like a Russian. End of discussion. Dance like he's got concussion, oh. We've got soul and we've got gold. Party like a Russian. Disco seduction. Écoutez Flotteur FM en plein cœur de la Bourgogne sur 91. Flotteur FM pour vous, avec vous. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Oh, oh, oh. Au bout du cimetière, dans l'allée tout au fond, à six pieds sous terre, à deux on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? We are the customers. My mother tongue, comme moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux. Poussière tous les deux, poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? We are the best of them. Pourquoi y a-t-il souvent de la cire au bout des queues de poire? La queue du fruit qui le retient à l'arbre sert à véhiculer les éléments nécessaires à sa croissance. Lorsque celle-ci est coupée, l'eau contenue dans le fruit s'évapore par cette extrémité. Les cultivateurs posent un bouchon de cire au bout du pédoncule des poires, très sensible à ce phénomène. Cela permet de ralentir le mûrissage du fruit en évitant l'évaporation de son eau. Celui-ci peut donc être conservé plus longtemps après la récolte. Selon la tradition, la poire est un fruit royal. C'est celui que Louis XV et Louis XVI reçurent, accompagné d'une coupe de champagne, lors de leur sacre à Reims. Flotteur FM, pour vous, avec vous. Celebrate several ways, my good G.

Flutter FM. Flutter FM. La musique est de retour juste après la pub. L'entreprise Christophe Merlin vous propose ses services avec son entreprise de maintenance reconnue sur le secteur MC Pack Énergie. Vous habitez Clamecy et ses alentours, vous avez une chaudière gaz, fuel, une climatisation, une pompe à chaleur. Ne négligez pas l'entretien de vos appareils, bénéficiez d'un contrat annuel qui vous permet de faire des économies d'énergie. Faites confiance à votre entreprise locale, MC Pack Énergie, référencée chez de nombreux fabricants, Atlantic, Frisquet, Wiesmann, Mitsubishi. Prenez rendez-vous au 06 74 93 05 94. Les techniciens Jérôme et Bruno interviendront dans les plus brefs délais. 06 74 93 05 94. Avec l'entreprise MC Pack Énergie, signez un contrat d'entretien pour des économies garanties. Les serres Dominique Malher à Oisy vous propose de découvrir pour la Toussaint un grand choix de chrysanthèmes, de bruyères, de pensées et d'autres plantes de Toussaint, ainsi que de nombreux arbres fruitiers, arbustes d'ornement et autres fleurs. Venez découvrir cet espace coloré aux serres Dominique Malher à Oisy, proche de Clamecy, où vous pouvez également passer commande en téléphonant au 03 86 24 94 85. 03 86 24 94 85. Flutter FM en direct de Clamecy, pour vous et avec vous. Cette meuf que tu l'aimes, va dire à ton père qu'il te manque. Si t'aimes être au naturel, n'écoute pas les filles qui se mentent. Va dire à ton boss que tu pars, tu l'aurais fait tôt ou tard. Va dire aux autres qu'on est prêt pour un nouveau départ. Mais comment faire? J'ai peur de quoi? Comment faire? C'est n'importe quoi. Et comment faire? J'ai peur de quoi? Je regarde dans le miroir et j'ai peur de toi. Comme on m'attend pas, si on m'entend pas, j'irai leur dire et demain sera meilleur, c'est plus fort que moi.

de ta chair. 10 ans de chaîne sans voir le jour, je t'aime à peine pour faire de l'amour. Et moi de chance à celui qui veut ma place. Oui, ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine qu'on fasse l'amour. Oui, j'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. Flotteur FM sur 91 en plein cœur de la Bourgogne. Écoutez, c'est pour vous et avec vous. Wise men said,

share my name. Just take me out of here. Let me be your souvenir. Just take my hand and stop the moonlight fading. Just take my hand and lead me up the stairs. Just take my hand and make me feel amazing. 'Cause I don't feel amazing now. C'est Flutter FM. Flutter FM sur 91. Rêve comme mur pur tout bas. Vous écoutez Flotteur FM sur 91. Flotteur FM pour vous, avec vous. Take my whole life to you. en plein cœur de la Bourgogne. Flotteur FM 91. Here again. friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready. And when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same. Except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home. But I'm on my own, still dancing with my eyes. Il est tout juste 17h sur le 91 de Flutter FM. Avec Gédimat, Cabia Matériaux, au cœur de l'ouvrage, à Clamcy. L'essentiel de l'actualité, Calisto Linov. Bonjour. Bonjour à tous. Guerre entre Israël et le Hamas. Le premier ministre palestinien a condamné aujourd'hui les prises de position des États occidentaux qui donnent, selon lui, un permis de tuer à Israël. Depuis la Cisjordanie occupée, celui-ci a déclaré craindre, je cite, davantage de crimes, d'atrocités et de déplacements forcés de la part d'Israël. De son côté, le Hamas a affirmé aujourd'hui que le seuil des 5000 morts avait été franchi dans la bande de Gaza. Parmi ses victimes, plus de 2000 enfants, selon le mouvement islamique. Enfin, pour la troisième fois depuis samedi dernier, les camions ont été autorisés à traverser le poste frontière de Rafah et sont entrés dans la bande de Gaza depuis l'Égypte ce lundi. De son côté, l'ONU réclame au moins 100 camions par jour pour les 2,4 millions de Gazaouis privés de tout. Terrorisme maintenant. En tout, 64 enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour des fausses alertes à la bombe depuis l'attentat survenu à Arras le 13 octobre dernier. Qu'il s'agisse d'établissements scolaires, d'aéroports ou encore de monuments célèbres comme le château de Versailles, chaque fausse alerte force les services à craindre le pire. Vendredi dernier, un suspect a d'ailleurs été interpellé après avoir lancé l'alerte concernant le château de Versailles. 43 centimes pour chaque ticket vendu du jeu à gratter Mission Nature. Voilà la somme qui sera reversée à des projets environnementaux. Le nouveau jeu, lancé aujourd'hui, est vendu 3 euros et conçu sur le modèle du loto du patrimoine. Il financera une vingtaine de projets de restauration de la biodiversité, sélectionnés ici par l'Office français de la biodiversité. Lui a fermé ses portes sans alerte à la bombe. Le centre Pompidou n'a pas ouvert ce lundi, en cause ici un mouvement social qui touche le musée ainsi que la bibliothèque. Sur Twitter, désormais X, le centre Pompidou a indiqué que les billets achetés pour ce jour restaient valables pour un mois. Et puis intempérie enfin, 5 départements ont été placés en vigilance orange en raison des fortes pluies et de possibles inondations à venir ce lundi. Il s'agit donc de l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, l'Ain et le Jura. À partir de 21h, un épisode de pluies orageuses est attendu avec des précipitations qui pourront atteindre entre 70 et 100 mm. Voire davantage localement entre l'Ardèche et l'Ain notamment. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme si t'étais la seule au monde au final. Je plaide coupable quand tu me juges au pénal. Mais tu ne vois pas d'anomalie. Oh oh oh. Y'a qu'à moi que ça arrive. Oh oh oh. Je prends tes phrases comme des coups d'opinel. Malgré tes larmes, tu me fais mal au final. Mais tu ne vois pas d'anomalie. Oh oh oh. Y'a qu'à moi que ça arrive. Oh oh oh. Dis-moi pourquoi tu t'isoles. Oh la sonne. Dis-moi pourquoi tu t'isoles. Et qu'on la sonne. Si tes diamants siemblent. Dis-moi pourquoi toujours se faire autant de mal. Si t'es bien.

I do and tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do. Flotteur FM en direct de Clemcy sur 91 pour vous et avec vous. Flotteur FM. La musique est de retour juste après la pub. Clean Vite, votre entreprise de nettoyage à Clemcy. 06 47 29 33 28. Clean Vite, ce sont des professionnels qui interviennent partout dans la Nièvre et dans l'Yonne afin d'effectuer vos travaux de nettoyage. Des prestations sur mesure pour les particuliers comme pour les professionnels. Nettoyage de bureaux, maisons, usines, nettoyage de vitres, vérandas, terrasses, nettoyage général, haute pression, désinfection dans le respect de l'environnement et débarras de maisons. Service à domicile, devis gratuit. Profitez du crédit d'impôt, 50% de réduction. N'hésitez pas, faites appel à des professionnels. CleanVit, votre entreprise de nettoyage pour particuliers et professionnels à Clamcy. 09 67 35 66 14 ou le 06 47 29 33 28 et rendez-vous directement sur le site cleanvit.fr. Envie d'une piscine sur mesure ? L'entreprise Pousseau vous accompagne dans vos démarches et réalise l'ensemble des prestations du terrassement au pool house. Appelez-nous également pour les mises en route ou hivernage au 03 86 27 04 01 et rendez-vous sur pousseau.com. L'école de conduite Laurence présente depuis 10 ans à Corbigny et depuis 7 ans à Prémery, ouvre une agence à Clamcy. Entreprise familiale, Eric et Shelley vous accueillent le mardi, le mercredi et le vendredi après-midi et le samedi matin, 7 rue Marié-David à Clamcy. Les cours de conduite sont assurés au départ de l'agence ou du lycée-collège de Clamcy et de Varzy. Agence agréée, garantie financière. Nouvelle réforme pour le permis de 17 ans, possibilité de vous inscrire dès maintenant. Alors n'hésitez pas à contacter l'école de conduite Laurence à Corbigny, à Prémery et nouveau à Clamcy, 7 rue Marié-David au 03 86 22 85 51. Flotteur FM sur 91. Flotteur FM. En direct de Clamcy, c'est la radio locale numéro 1. Pour vous, avec vous. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile. Non ci sono spiegazioni, non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende